Bonjour et bienvenue sur Podcast Zen. Je m'appelle André et avec Podcast Zen, je vous propose d'aborder de manière vulgarisée toutes sortes de thèmes liés à la psychologie, au développement personnel, au comportement ou aux situations que l'on peut rencontrer dans la vie. Un nouveau podcast dans lequel je reçois aujourd'hui Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour André. Et Sandrine, tu es accompagnatrice, accompagnante spirituelle. Oui. Et également coach, coach de vie. Oui. Alors, une des questions que je me pose et que se posent parfois les gens, les auditeurs du podcast, c'est quel est ton travail d'abord? Quel est ton travail? Quel est le type de travail, le type de prestation que tu offres? Alors moi, j'accompagne les gens qui ont envie de faire des changements dans leur vie pour améliorer la qualité de leur vie, pour être au plus près de ce qu'ils sont, de leurs envies, et que les choses avancent de la façon qui est la plus juste pour eux. Donc parfois, on fait des choses, on a des attitudes, des comportements, et on répète toujours les mêmes choses, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas et qu'on n'est pas très bien. Donc à ce moment-là, on se dit, bah, y a peut-être d'autres solutions pour que ça aille mieux. Et on a vraiment envie de faire ce changement. Donc les gens viennent me voir parce qu'ils ont peut-être parfois des objectifs ou parfois ils ont juste envie d'être soutenus, d'être accompagnés et de clarifier leurs objectifs. Et à partir du moment où on clarifie l'objectif, sur quoi ils veulent travailler, sur quoi ils veulent changer, on peut voir comment y parvenir. Et le rôle du coach, c'est de leur faire découvrir ce qu'ils ont comme capacité, comme compétence, comme ressources pour aller vers le but, vers l'objectif qu'ils se sont fixés. Mmh, d'accord. Donc si je t'entends bien, en fait, tu proposes de permettre d'accompagner les gens pour quitter des mauvaises habitudes dans lesquelles ils sont inconfortables. Exactement. Leur permettre quelque part de sortir dans ce qu'on appelle la zone de confort actuelle, dans laquelle ils pensent bien être, bien se trouver, mais dans laquelle en réalité ils sont pas bien. Et alors ces changements d'habitude, si je t'entends bien aussi, tu aides les gens à les déterminer, à déterminer quelle routine, quelle mauvaise entre guillemets habitude ou néfaste ils ont pour changer ça. Quels outils, par exemple, est-ce que tu emploies? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples aussi de changements d'habitude que des gens ont eu envie d'opérer dans leur vie? Alors, souvent, c'est par rapport à des émotions, que ce soit la colère, l'agressivité, le manque de communication, comment ils communiquent avec les autres. C'est surtout ça où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compris et que c'est néfaste dans leur relationnel, que ce soit au point de vue personnel, privé ou dans leur travail. Donc c'est de comprendre comment ils communiquent avec les autres. D'accord. Et après, comment ils voudraient améliorer ou changer certaines choses, de comprendre qu'est-ce qui fait que le message qu'ils veulent faire passer soit bien compris. Et qu'eux aussi, ils puissent comprendre les messages des autres, bien sûr. Sans être toujours dans des interprétations. Donc, on part toujours de la base que chacun a sa carte du monde. Et que donc, en étant conscient de cela, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, on les a filtrés d'une certaine façon, on les a codés d'une certaine façon, et c'est propre à nous-mêmes. Et parfois, il peut y avoir des malentendus sur une phrase, un mot, parce qu'on n'y met pas du tout le même sens ou la même représentation, la même signification. Donc c'est de pouvoir être aussi à l'écoute, pour mieux communiquer, à être à l'écoute des autres, et de pouvoir dire clairement ou identifier clairement qu'est-ce que ça veut dire pour eux, tel ou tel mot, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et à ce moment-là, quand on clarifie ça, ça devient beaucoup plus facile de communiquer. Ouais, absolument. Alors, tu as dit plusieurs mots qui sont, à mon sens, importants. J'enlèverais déjà un premier, c'est avoir conscience. C'est-à-dire que ces gens, quand ils viennent avec une problématique, enfin quelque chose qu'ils souhaitent changer, c'est qu'ils ont pris conscience peut-être chez eux, lors de situations difficiles, conflictuelles, de mésententes, par exemple, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, avec des amis, avec leur famille. Ça, c'est une chose, mais en fait, est-ce que tu peux, par exemple, leur donner des outils pour qu'au moment où ils vivent à nouveau, une fois qu'ils sont sortis de chez toi, du cabinet, entre deux séances, est-ce qu'ils peuvent avoir des outils, des moyens pour justement prendre conscience? Alors, on pourra peut-être parler de méditation aussi après, c'est oui. Ce fameux lien qu'on peut avoir avec ou non avec nos émotions, que beaucoup de gens pensent être en lien avec leurs émotions, puis en réalité, ils le sont un tout petit peu, à un petit pourcentage. Est-ce que tu peux nous parler des possibilités, des outils, quels sont les moyens qui peuvent être faits pour qu'ils prennent conscience? Alors, c'est vrai que moi, je travaille aussi avec des techniques de programmation neurolinguistique, d'hypnose, et puis aussi de manière très intuitive. Donc, PNL, la PNL. Mmh. Et donc, je me connecte aussi aux gens pour ressentir ce qu'ils sont peut-être en train de vivre. En créant un lien, En créant un lien, bien sûr, un échange. C'est aussi vraiment un lien de confiance. Et c'est un travail où ils doivent être conscients que ce n'est pas moi qui fais le travail, mais c'est vraiment un travail que nous faisons ensemble. Nous cheminons ensemble pour qu'ils puissent être libres, être autonomes. Donc moi, je vais les aider à trouver des outils, des capacités, des compétences qu'ils ont en eux pour justement faire face ou à des obstacles ou comment regarder les choses différemment. Mais c'est eux-mêmes qui vont trouver la solution. Donc après, quand ils vont comprendre en fait comment eux fonctionnent dans l'instant présent, ils vont pouvoir appliquer ça en se disant ah oui, là il y a telle situation. Auparavant, je réagissais comme ça. Après, peut-être qu'il faut prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance. Et qu'est-ce qui est bien pour moi? Comment je peux gérer ça? C'est comment gérer les choses parce que je comprends, je sais comment je fonctionne. Donc, c'est comme si on était devant un tableau de bord. Et puis, parfois, on ne connaît pas tous les boutons. Donc, on trifouille, on fait des petits essais, puis ce n'est pas forcément concluant. Alors, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le mode d'emploi et de savoir ce bouton-là, il agit sur ça, ce bouton-là. Et puis, selon l'intensité, on peut régler. Mais c'est d'abord de connaître son tableau de bord. Donc, c'est ça que je permets aux gens, c'est de se connaître, de savoir comment eux, ils fonctionnent. Donc, sans projection de ma part, c'est-à-dire que c'est vraiment eux, puisqu'ils... Chacun est différent, donc fonctionne de façon différente. Et qu'est-ce qui est le plus approprié pour eux par rapport à telle ou telle situation qu'ils aimeraient changer? Donc, est-ce que tu auras un ou deux exemples, peut-être, comme ça, qui peuvent te venir? Tu parlais de colère, de... Oui, c'est-à-dire que parfois, on réagit tout de suite. Il y a des mots qui nous sont dits, et puis on réagit instantanément et vraiment avec beaucoup d'émotions. D'impulsivité et parfois d'agressivité. Et donc, c'est clair que quand l'autre se sent agressé, il va aussi répondre par l'agression, la défense. Alors après, c'est sans limite. On peut faire une escalade comme ça. Donc, c'est que la personne, elle puisse parfois voir la situation prendre de la hauteur, de se voir... Quelques instants avant, en fait, avant que ça arrive, peut-être. Oui, et parfois, elle peut déjà faire ce travail en projetant une situation dans le futur, parce que ce qu'on projette dans le futur, finalement, on peut le vivre déjà, présentement. Tout ce qui est... Quand on revit des choses du passé, on le revit corporellement dans le présent, émotions. Même si ça ne se repasse pas jamais tout à fait de la même exactement. Manière prévue. Mais donc, finalement, c'est de se rendre compte que quand on s'extrait, on se détache de la situation et qu'on voit ça d'un regard, d'avoir un regard plus en hauteur, on peut se voir agir en se disant, mais qu'est-ce qui serait le mieux, là, que je fasse ? Comment ça serait le mieux que je réponde ? Et qu'est-ce que ça changerait par rapport à l'autre si je répondais de cette façon-là, au lieu d'aller tout de suite l'agresser ou me défendre en utilisant l'agression ? D'accord. Donc, ils prennent de la distance. Ils disent, en fait, si je réponds comme ça, de façon beaucoup plus calme ou voilà, factuelle, l'autre va changer aussi sa réponse. D'accord. Ouais. Et donc, on peut... quelqu'un disait, il faut demain pour taper, pour applaudir. Donc, si on enlève une main, l'autre ne peut pas. Absolument. Ne peut pas applaudir. De facto. Donc, c'est, de facto, on n'entre pas dans l'émotion de l'autre, comme ça. Dans un rapport de C'est-à-dire qu'on on s'en tient c'est à des informations. Ce sont des informations, d'accord, il me parle comme ça. Mais je ne mets pas d'interprétation négative en me disant il est en train de me dire que je ne suis pas ceci, que je ne suis pas cela et que j'ai mal fait. Non, on s'en tient vraiment à ce que l'autre dit. Ok, j'ai bien entendu. Mais moi, je pense, et ça c'est l'assertivité, c'est de pouvoir aussi s'affirmer. Absolument. Parce que souvent on n'ose pas dire ce qu'on pense sur le moment et après on s'en veut et ça tourne dans la tête parce que au moment présent, on n'a pas pu réagir, on n'a pas pu dire les choses comme on les pensait. C'est de pouvoir dire les choses, mais calmement. D'accord. Alors, je t'entends, tu as parlé aussi d'un mot important qui est l'assertion. Alors, ça fera, juste mis à part... l'assertivité. Ça, l'assertivité ou les assertions, la manière de formuler ces assertions, ça fera également l'objet d'un prochain podcast qui est en cours de cogitation. D'accord. Voilà, oui, tout à fait. Ça sera tout un programme. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est très important. Oui, donc effectivement, alors tu relevais une chose importante, c'est qu'à un moment donné, quand la personne souhaite, par exemple, dans l'exemple que tu citais, pouvoir entrer en lien dans un échange harmonieux, de manière à pouvoir rétablir une certaine communication, par exemple, avec un père, avec un conjoint, avec ses pairs, avec un conjoint, un collègue, c'est de déterminer, en fait, de sentir un petit peu avant que la manière dont on va pouvoir dire les choses, de manière à ce qu'elles ne soient pas dites de manière colérique. Puis là, évidemment, ça nous ramène directement aux émotions, au tempérament, et également aux choses qui sont peut-être enfouies très profondément, qui sont très, très sensibles chez la personne. Maintenant, une question que je me pose, alors ton travail, c'est un travail qui est difficile. Tu touches à l'âme, à la personnalité des gens, à la compréhension. Alors je ne dirais pas qu'il est difficile. Non ? D'accord, non. Ok. Je ne le vois pas comme difficile. D'accord. Alors moi, je le perçois comme ça parce que pour moi, c'est extrêmement difficile d'aborder ça avec les gens dans le sens où c'est délicat, où on peut parfois se tromper. Voilà, c'était un peu pour ça que je disais que c'était difficile. C'est-à-dire que moi, j'ai une façon de travailler qui est vraiment dans l'instant présent. Oui. Donc, et pour moi, c'est toujours un plaisir se dire... mon travail, c'est pas un travail, c'est vraiment du alors, plaisir. La difficulté, donc, je voulais dire par difficulté, quelque chose, une activité difficile qui peut être difficile n'est pas forcément désagréable, elle peut être juste absolument passionnante, enrichissante, mais elle reste, je dirais, difficile. On peut peut-être mettre d'autres mots là-dessus, c'est délicat. Voilà, pour moi, c'était un peu ça. Mais bon. Alors, c'est vrai que je le vis pas comme ça. Pour moi, c'est toujours d'être dans l'émerveillement de ce qui peut surgir de l'être, de la personne, de toutes ses ressources et de comment elle-même se découvre et va pouvoir utiliser tout ce qu'elle découvre pour vraiment cheminer bien et de façon qui est juste pour elle. Donc, pour moi, c'est toujours un émerveillement de voir ce qui ressort. Et en peu de choses, parfois, ça tient vraiment à peu de choses. Et donc, non, je ne prends pas ça comme un travail difficile. Et puis, je pense que justement, si j'étais dans l'état d'esprit, ça va être difficile, etc., ça ferait que je projetterais ça aussi dans ma relation avec la personne et qu'elle, elle trouverait ça aussi difficile de le faire. Donc, je préfère être dans quelque chose où, moi, c'est du plaisir et de la découverte, de l'exploration. Et c'est facile et c'est naturel. Et la personne va se sentir complètement libre aussi de retrouver son naturel. Bah, écoute, je trouve très chouette comme tu en parles, et puis tu m'as convaincu, et puis je pense que les auditeurs aussi. Je te propose d'écouter un petit morceau de musique avec un extrait d'un album qui s'appelle 1000 Sounds Lotus. C'est un compositeur qui s'appelle The Orientalists, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Islamatronic Cantillation. Je voulais juste revenir en fait avant à l'idée, la question que je voulais te poser. Quelle est en fait la différence entre quelqu'un qui a besoin d'être soutenu parce qu'il a de la colère, qui va voir un psychologue ou un psychiatre, qui doit essayer de déterminer la source peut-être du problème. Toi, où est-ce que tu te situes en tant qu'accompagnatrice spirituelle et coach en fait par rapport à un psychologue? Quels sont un petit peu les... Alors, quand je parle d'accompagnement spirituel, c'est que j'accompagne... Je prenais l'exemple de la colère, par exemple. Voilà. Alors, la colère, c'est... La différence entre... Identifier, c'est d'identifier ce qu'il y a derrière la colère. Quelle est la source derrière la colère? Et après, je ne vais pas rester dans la colère. C'est juste on identifie qu'est-ce qu'il y a en amont qui provoque la colère. Donc c'est sur d'autres choses. C'est ce que fait un peu un psychologue aussi. Et après c'est vraiment c'est de savoir comment qu'une émotion c'est une émotion. Et ce qui est important c'est la colère c'est bien parce que c'est une énergie qui est très aidante et très motrice hein, qui met en mouvement. C'est de pouvoir défusionner donc ce qu'on appelle la colère de son énergie, de pouvoir garder l'énergie de la colère. Donc l'énergie, elle est bonne, elle est positive et elle va permettre d'avancer. Mais la colère, quels sont les bénéfices de se mettre en colère? C'est d'avoir du détachement par rapport à ça. Mais par contre, c'est vraiment aussi d'accueillir cette émotion, de ne pas s'énerver contre soi-même parce qu'on est en colère. Oui. Voilà, parce que parfois c'est ça, on a tendance à réprimer la colère et donc c'est comme si on la mettait en cage dans une prison. Et je dis toujours, nous-mêmes, on n'aimerait pas être mis en prison. Donc en fait, c'est vraiment d'accueillir la colère, de lui dire, ok, je sais que tu es là, je te reconnais. Tu peux rester un petit moment si tu as envie, mais après, tu peux partir. Tu peux partir parce que voilà, tu es vraiment libre. Alors j'en reviens, c'est passionnant ce que tu dis, et c'est effectivement comme ça que je pense qu'on perçoit tous un petit peu cette émotion qu'est la colère. Mais j'en reviens un petit peu à ma question d'avant. En fait, quelle est la différence qu'il va y avoir entre l'accompagnement que toi tu fais et l'accompagnement que va faire un psychologue ou un psychiatre? Parce que ce sont deux mondes différents, ce sont deux approches différentes. Alors, où se situe en miroir comme alors, ça, où se situe? Moi, je ne peux pas parler pour les autres parce que je considère qu'il y a autant de psychologues, de psychiatres ou de coachs que d'être, enfin, qui font ce métier. Donc, moi, je ne suis pas dans la thérapie. Je ne suis pas dans la thérapie. Je ne vais pas rester dans les problèmes. Je vais être plutôt dans les ressources et les solutions. Comment solutionner et comment la personne, elle trouve ses propres ressources pour que en fait elle en ait de plus en plus conscience et qu'elle les ramène vraiment à la surface et le problème va disparaître de lui-même parce qu'on aura apporté toutes ces ressources. Parce que en fait, les difficultés ont été mises à jour. Elles ont été acceptées, on en a pris conscience, et après on a ramené des choses qui sont vraiment aidantes et utiles pour nous. Donc en fait, on n'a plus besoin d'avoir ces problèmes. Parce qu'en fait, c'est comme si on réactualise un programme, on fait une mise à jour avec des nouveaux éléments, puisqu'en fait, on est toujours en évolution. Donc, c'est les programmes obsolètes, on les enlève en amenant d'autres choses qui ont permis l'amélioration et qui vont vraiment pour un bien et une aide pour la personne. Tout à fait. Donc, en fait, c'est débugger quelque part un peu les individus par exactement, une recodification. Alors, je le dis, sais que c'est tout à fait un recodage, sérieux, oui. C'est un recodage. Exactement. C'est donc, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire ça passe par là. De déterminer en fait d'où vient le bug, d'où vient le ou les problèmes, il n'y en a souvent pas qu'un seul, hein, même si on n'a pas forcément des milliers. Et puis c'est de se pencher sur ces lignes de code et de reprogrammer ça pour que la personne soit de nouveau up to date. Et puis qu'elle fonctionne de manière harmonieuse, d'abord pour elle-même et donc par conséquent ensuite avec les autres. Oui, parce que quand on va décoder en fait les stratégies qui sous-tendent, par exemple quand elle va faire quelque chose et va avoir un échec, et puis à chaque fois elle va avoir des échecs en refaisant toujours la même chose, c'est de voir comment elle s'y prend. Pour finalement avoir cet échec. Inconsciemment. Et après, et de prendre en parallèle comment elle s'y prend pour avoir des réussites. Parce qu'on a toujours des réussites. Absolument. Donc, et après, c'est de remplacer, de dire, ah ben en fait, on peut transférer les compétences, les stratégies qui sont gagnantes et aidantes en enlevant certaines choses de stratégie. Quand on a compris la stratégie qu'on avait et puis qu'il y a certaines défaillances quelque part, où il y a un morceau du programme qui est pas bon, qui n'est pas bien codé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de mettre le bon code. Donc, on va pouvoir chercher dans d'autres expériences aussi quel est le bon code pour la personne. D'accord. Donc, c'est vraiment refaire, en fait, se diriger vers un nouveau scénario de vie. Et donc, c'est ce que tu proposes. Écoute, je te remercie. On arrive un petit peu au terme de ce podcast. J'ai eu beaucoup de plaisir à te poser ces questions. J'espère que les moi auditeurs aussi. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis, je rappelle que tu t'appelles Sandrine Lédumont et tu es située à Morges. Tu as ton cabinet de coaching ici à Morges. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci. À bientôt peut-être. Oui, à bientôt. Merci. Ce podcast se termine ici et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous ou envoyez le lien de Podcast Zen à vos connaissances, à vos amis, ou rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Un petit message d'encouragement me fera également plaisir. Vous pouvez le faire via le formulaire de contact de Podcast Zen. À tout bientôt pour un prochain podcast.